J'avais besoin de toi comme t'avais besoin de moi. Je voulais fonder notre royaume, couronner mon roi. Te parler, me confier, t'écouter et t'entendre. Mais j'ai fait que m'essouffler à courir ou attendre. Je réalise depuis peu, je sors de ma bulle, j'ouvre les yeux. Je me rends compte que je suis seule quand je pensais qu'on était deux. Je nous voyais tellement haut que je suis tombée très bas. Je te déteste, mais j'ai envoyé. J'ai très bien quitté, y'a qu'à toi que tu peux mentir. Les je t'aimais, moi non plus, je m'en suis mangé des tonnes. C'était pas donnant, donnant, non, c'était pas réciproque. Je repense à nos fous rires, ton sourire d'hypocrite. Et je sais que tu m'entends, pour te le dire, j'en profite. Je nous voyais tellement haut que je suis tombée très bas. Je te déteste, mais j'ai envoyé aucun mail. Marquer tous tes défauts sur la liste. Chacun son chemin, y a pas de suite. Nanananananana. J'suis partie, j'ai fait le vide. Nanananananana. J'ai encaissé sans faire de bruit.